girl, bye. Oh, girl, bye. Là c'est trop sale. En ce moment je suis vénère. Ils disent que j'ai changé. Tout le monde est ouais ouais. Policiers en sanglots par terre. Violence, émeute. Je te rappelle tout de suite. Attends, je finis le showcase. 100 000 E par semaine. La recette on connaît, la petite là n'est pas faite pour moi. C'est une infomane, salade, tomate, fromage. Mange du kebab toute la semaine. Oh ça c'est vénère, c'est vu de là. Euro, dollar, espèce. La nuit je trouve plus sommeil. Dans le bendo personne te reconnaît. Arrache ta mère. T'es pas méchant, t'es juste guetteur sur le corner. J'ai les condés sur le dos. J'ai l'art du crime sous la peau. Chacun sait ce qu'il a fait. Le secteur est devenu mort. Le secteur est galvillé. Ils vont encore amener les porcs. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. La zone est minée. Oui j'aime trop ça. Nique le système. Nique les gueules. Ma voiture est rayée. J'achète une deuxième. Chacal c'est quoi le boulot? J'bosse dans tous les domaines. Si j'ai bien calculé, ce week-end j'empoche 30 000. Là c'est trash. J'aime quand ça devient trash. Quand ça parle de pourcentage. Quand ça parle de beaucoup de cash. T'en sais pas, on est vraiment fait pour ça. Quand le gang me recruta, j'ai le droit au bisutage. Et bah ouais les gars, toujours la même équipe. On fait les sous, partage le bénéfice. Charron c'est charron, connu dans le bendo. Préviens ton gang qu'il faut balancer de pique. En cas de danger, obligé qu'on réplique. J'ai les condés sur le dos. Ils ont perdu chez la vieille. J'ai l'art du crime sous la peau. Chacun sait ce qu'il a fait. Le secteur est devenu mort. Le secteur est galvillé. Ils vont encore amener les porcs.